trouver sur le net. Allez, on vous le promet depuis tout à l'heure et puis surtout on vous pose la question, faut-il ouvrir les frontières de l'Europe? On va en débattre avec votre invité Arnaud Reussen, c'est François Jemaine. Vous nous le représentez et puis vous nous faites un résumé de ce qui s'est dit tout à l'heure à 7h40. Effectivement, on a reprécisé certaines choses avec François Jemaine qui étudie de très près cette question des flux migratoires. Il nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas aujourd'hui une vague d'immigration sans précédent. Elle n'est pas sans précédent puisque par exemple au début des années 90, au début de la guerre en ex-Yougoslavie, il y avait aussi des flux assez comparable à ceci. Ceci dit, aujourd'hui, on peut aussi constater qu'il n'y a jamais eu autant de déplacés dans le monde à cause d'une série de conflits. Et ce chiffre intéressant que nous donnait tout à l'heure François Jemaine, l'Europe accueille un peu moins de 10% seulement aujourd'hui des personnes qui fuient la Syrie. C'est la Turquie qui en accueille le plus avec pratiquement 2 millions de déplacés syriens. François Jemaine nous faisait aussi cette différenciation importante. Il y a d'un côté les demandeurs d'asile. Eux, leur arrivée fluctue un peu justement en fonction de ce contexte géopolitique, des conflits mondiaux. Et puis, il y a les migrants économiques. Et là, on assiste à une hausse continue ces dernières années, liée aussi au déséquilibre entre les différents pays, déséquilibre socio-économique. Alors, la solution prônée par François Jemaine et par d'autres, d'ailleurs, ce serait de réfléchir pour demain, pour éviter les drames, notamment en Méditerranée, à ouvrir les frontières. Tout simplement, nous dit-il, parce que les fermer ne freinent pas l'afflux. Les migrants qui veulent venir chez nous sont déterminés. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les frontières fermées, les murs que l'on construit, eh bien, ça rend tout simplement l'arrivée beaucoup plus dangereuse pour ces migrants. Si on décidait d'ouvrir, il nous dit même qu'à court terme, on pourrait assister à une légère baisse de la migration, puisque ceux qui sont chez nous se sentent parfois coincés dans les frontières, n'osent plus repartir chez eux de peur de ne pas pouvoir revenir. Et donc, dans un tout premier temps, on pourrait assister à une légère baisse. Ce reste la question de l'emploi, par exemple. Accueillir des migrants alors que l'on a des taux de chômage extrêmement élevés, de la pauvreté aussi chez nous, est-ce vraiment une bonne idée? François Jemaine nous dit: les migrants sont nécessaires à notre économie, aussi bien pour les postes hautement qualifiés que pour des travailleurs peu qualifiés. Reste alors la question de l'intégration. Et là-dessus, François Jemaine terminait tout à l'heure en nous disant: attention, l'intégration, il faut y réfléchir, mais attention à ne pas seulement faire porter le poids de l'intégration sur les migrants eux-mêmes. Il y a une responsabilité de la société, notamment dans la lutte contre le racisme. Petit résumé de l'interview de tout à l'heure. On va poursuivre maintenant avec les questions de nos auditeurs. Effectivement, avec Pete qui nous dit: et sur Facebook, une seule solution pour lui, mais cette solution exige du courage, une vision d'avenir pour l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi qu'un sens politique qui va au-delà des échéances électorales, tous dont nos politiciens actuels sont dépourvus. C'est son avis. Une auditrice nous disait aussi, François Jemaine par téléphone, pourquoi finalement des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, qui ont un certain argent grâce notamment au pétrole, qui sont dans une situation bien meilleure que la Syrie par exemple, peuvent aussi accueillir effectivement ces migrants. Pourquoi se tournent-ils dès lors plus vers l'Europe que vers ces pays-là? Et puis Yvan, qui nous dit visiblement n'a pas envie de les voir dans son jardin, pourquoi ne pas les loger tous à la RTBF? Alors, simplement peut-être une petite réaction sur les pays du Golfe. Mm-hmm. Il faut savoir, et on l'oublie souvent, que si on regarde les flux migratoires dans le monde aujourd'hui, le flux migratoire le plus important, c'est entre les pays de l'Asie du Sud, notamment le Bangladesh ou le Pakistan, et les pays du Golfe. Mais c'est purement de la main-d'œuvre économique et des migrants qui sont souvent réduits à une situation d'esclavage où on leur confisque leurs papiers, on les confine dans des camps de travail et on les fait travailler à marche forcée. Une petite question sur Facebook posée par Jean qui revient à cette question de l'ouverture des frontières. Il nous dit: l'Europe a déjà énormément de misère à gérer. Comment peut-elle imaginer gérer aujourd'hui un afflux de migrants plus important? Le problème, c'est qu'on en revient toujours à ce débat parasité par cette phrase indigne et dégueulasse de Michel Rocard: on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Comme si les migrants étaient la misère du monde. Je pense que c'est complètement négliger l'apport essentiel que les migrants représentent pour la société, pas seulement le rapport économique, on l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi le rapport social, démographique. Et c'est aussi négliger que le droit de migrer est un droit fondamental. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien. Plusieurs questions qui tournent un peu dans le même sens, et Pierre-Yves en évoquait déjà une, François Jomène, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne réfléchit pas plus à la résolution de certains conflits qui génèrent aujourd'hui ces déplacements de population, et réfléchir aussi, Annie nous dit ça aussi, à réduire les déséquilibres nord-sud, et donc à ce que, plutôt que ces personnes veuillent venir chez nous, à ce qu'elles se sentent mieux et dans de meilleures conditions dans leur pays d'origine. Alors, attention avec cet argument. Évidemment, je suis favorable à ce qu'on travaille à la résolution des conflits dans le monde. Évidemment, la situation en Syrie, aujourd'hui et ailleurs, est insupportable. Évidemment, je suis favorable au développement des pays du Sud. Mais croire que les migrants viennent en Europe parce qu'ils souffrent de pauvreté ou parce que leur pays n'est pas assez développé, c'est un mauvais argument. Croire qu'on va arrêter les flux migratoires en contribuant au développement des pays du Sud, c'est une erreur. Simplement parce que la migration est très coûteuse, représente des investissements considérables et que souvent le développement a pour effet d'accroître les flux migratoires. Quand on regarde les migrants en Belgique, par exemple, ou en Europe, ils viennent souvent, si on prend uniquement les migrants d'Afrique, des pays d'Afrique qui sont les plus développés, des pays d'Afrique du Nord ou du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Ils ne viennent pas des pays d'Afrique les moins développés, simplement parce qu'ils sont, dans ce cas-là, trop pauvres, sans avoir les moyens de migrer. Donc il faut faire attention à l'argument « développer, ça va freiner les migrations ». C'est souvent le contraire qui se produit. Question de Fabienne, qui parle sécurité. Elle dit « ouvrir les frontières, c'est aussi laisser entrer sans contrôle des membres, par exemple, de l'État islamique ». Mais pas du tout. Ouvrir les frontières, ça ne veut pas du tout dire supprimer les frontières. Les gens s'imaginent que c'est parce qu'on va ouvrir les frontières qu'on va laisser rentrer tout le monde sans plus de contrôle. Non, l'idée d'ouvrir les frontières, ça veut dire que vous pouvez rentrer sans avoir besoin d'un visa, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse rentrer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun contrôle aux frontières. Simplement, on vous permet d'aller et de venir, ça ne veut pas dire qu'on va laisser rentrer les terroristes ou les suspects qui sont en fuite. Question encore, et ce sera la dernière, très, très brièvement. Beaucoup d'auditeurs qui disent, et qui reviennent sur ce que vous disiez en fin d'interview, il faut lutter aujourd'hui contre le racisme. On a un débat aujourd'hui sur l'immigration qui est pourri par le racisme latent dans la société. Le débat public aujourd'hui est tombé incroyablement bas. C'est la responsabilité de certains médias qui incitent au déchaînement de haine raciale sous leurs articles. C'est la responsabilité de certains politiques, notamment Rudy pas dans ma caserne de Motte, qui a des arguments incroyablement poujadistes contre cela. Et donc, il y a véritablement le développement aujourd'hui d'une sorte de xénophobie d'État qui est en train de monter. C'est la responsabilité première, je pense, de nos sociétés européennes. Et il y a aujourd'hui une sorte d'indignité face à l'histoire quand on voit ce genre de réaction. Et c'est Caroline, effectivement, qui nous disait sur Facebook, le racisme augmente de façon délirante. Elle a peur, elle a l'impression de vivre dans l'Allemagne des années 30. Au bout du monde, là, fou là là, quelle route pour arriver jusqu'ici. Mais très jolie, hein. On est à... Tu donnes pour que je prononce mal les choses, là. Et on est dans la commune de Stoumont, le village de Roumet. Et on n'est pas loin de l'Allemagne. Oui, à une vingtaine, trentaine de kilomètres. Voilà. Et on se rencontre parce que j'ai eu vent de la famille Zazamia, d'accord, qui est ici présente. Hein, il y a monsieur et madame. Peut-être rapprochez-vous, parce que voilà, le micro. Bonjour, bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà, et vous êtes, comme on dit, sans papier, c'est ça? Oui, sans papier. Commencez vite année, déjà. Combien? Vite. Vite, ça veut dire? Je ne comprends pas. Huit années en Belgique, ici, à cet endroit-ci. Oui, nous habiter en place, nous pas changer, habiter à Stoumont. C'est très bon, très joli pour nous. Ça. Je dis tous les jours merci, Seigneur, pour habiter ici parce que ça pour nous, ça, je sais pas, nous rien ici, famille, nous, toutes les familles ici, toutes les personnes. Donc ça fait 8 ans que vous êtes ici, monsieur, madame. Vous avez votre petite vie, tout ça sans papier. Comment. Enfin. J'ai plusieurs questions, mais comment on fait pour vivre sans papier? Comment on fait pour vivre sans papier en Belgique? Comme si, comme ça. Parce que avant notre statut ici légal, après illégal, c'est tous les fois changé, légal, illégal. Vous êtes arrivé ici avec des papiers? Oui. Et puis dans le temps, ça s'est pas renouvelé, c'est ça? Nous viennent ici sans passeport, rien. C'est procédure comme ça. Office étranger, premier 6 mois, nous habitons à Centre Croix-Rouge. Après, pour nous trouver place, ici c'est fait d'asile, nous donner centre fait d'asile, comme Stoumo, Moulin de Ruy, tout le temps nous habitons là-bas. Nous changer logement, nous fait déménager, 3-4 mois passés. J'ai dit ça tout le temps. Notre vivre ici, c'est comme ça. Légal, illégal. Chaque fois, c'est changé. Et donc là... Tout le temps. Normalement, c'est cette année, tout le temps, notre famille et des matériels fait d'asile, financier fait d'asile. Là, je n'ai pas compris, mais... Dernière fois, c'est des matériels, c'est aux gens pour manger, pour vivre. Fait d'asile vous aide pour le matériel, c'est ça que tu dis? Oui, fait d'asile, ça fait. Dernière fois, ça aussi, fait d'asile arrêté. Ça, notre problème, maintenant, rien. Notre famille et des matériels, c'est arrêté, c'est fini. Beaucoup de personnes habitent ici, région, qui aident nous pour vivre. Et des matériels aussi. Oui, mais là, je me perds. Il y a quelqu'un qui peut m'aider ici, parce qu'il y a aussi deux autres personnes qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voulez être anonyme, c'est ça, l'idée? Ou bien vous voulez vous présenter quand même? Donc, on touche pas. Non, parce que sinon, on entend les bruits. Ouais, d'accord. D'abord, je vais peut-être un peu recontextualiser la situation de la famille d'Azamien. Donc, comme Cara disait... J'ai oublié de dire, vous avez des enfants, hein? Trois enfants. Comment ils s'appellent? C'est Gros Lazare, 10 ans, Tamara, 9 ans, Gabriel, année ici à Belge, déjà 7 ans. Tous les... J'ai compris, 9 ans, 7 ans? 10 ans. 10 ans, ok. Et ils sont à l'école aujourd'hui? Oui, tous les trois sont partis à l'école. Voilà, vous êtes dans une vie intégrée ici, enfin j'aime pas le mot intégré, désolé, hein. Vous êtes ici, vous vivez ici à Stoumont depuis 8 ans. Oui, 8 ans. Voilà. Et donc il y a deux personnes ici qui nous accompagnent, qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas entendu parler, encore un petit peu monsieur là, mais c'est grâce aussi à ces personnes qui sont ici, qu'il y a moyen de donner la parole à la famille Zazamia et ce qui se passe pour eux. C'est toi qui as eu l'idée? L'idée? C'est toi qui as rassemblé une pétition, qui a... Non, moi je suis voisin, on est amis avec les Zazamia depuis plus de 7 ans maintenant. Nos enfants jouent ensemble, nos enfants sont à l'école ensemble. Et voilà, donc on ne s'est même pas posé la question de l'origine des Zazamia. Ce sont des amis du village comme d'autres. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement dans ce sens-là, un mouvement qui est parti de ça parce que on les a trouvés effectivement qu'ils étaient comme les autres. Donc il n'y avait pas de raison qu'on leur botte le train pour les mettre hors du pays alors qu'ils n'ont plus de chez eux ailleurs. Donc ça, c'est peut-être un petit peu l'idée générale. Maintenant, les démarches pour aider la famille ne datent pas d'hier. Hein, donc il y a déjà... Il y a déjà pratiquement depuis le temps qu'ils sont ici qu'on cherche, avec nos petits moyens, tant bien que mal, à les aider un petit peu. Donc, ne fût-ce que de donner un coup de téléphone à l'avocat de la famille pour pouvoir aider au niveau de la traduction. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler géorgien, mais passer du français au géorgien ou du géorgien au français, c'est très compliqué. Ici, Cara et Anna, donc les parents, suivent des cours de français... à l'école à Vielsalm pour apprendre le français. Voilà, donc ça s'est un petit peu concrétisé autrement, je veux dire, au niveau de la démarche. grâce à une association sur la commune de Stoumont, dont Eric va pouvoir vous parler peut-être de façon plus éclairée que moi. Mais donc là, c'est mis en place une pétition. On avait déjà fait des pétitions par le passé, mais ici, peut-être avec plus de dynamisme, un petit peu d'autres moyens humains. Et aussi parce que pour la première fois depuis qu'ils sont en Belgique, je vais dire nous avons, on a tendance à s'intégrer à la problématique, nous avons rencontré un problème qu'on n'avait encore jamais eu, c'est qu'on leur a coupé tous les vivres, donc tout moyen de subsistance. Donc, ils étaient dans une maison fait d'asile, comme Kara vient d'expliquer. Ils avaient une aide en attendant une éventuelle et espérée régularisation. Et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain. Mais après 7 ans de vie en Belgique, d'intégration, même si vous n'aimez pas le mot, l'intégration, ça veut dire je m'intègre à une société. Donc ils ont leur place dans la société, dans la commune dans laquelle ils vivent. Ils prennent part aux activités socioculturelles du village. Il y a de l'entraide qui circule. Et elle n'est pas dans un seul sens. Si c'était des personnes désagréables, égoïstes, je pense qu'il n'y a personne qui s'en soucierait. C'est vraiment réciproque, je veux dire, au niveau de l'entraide. Donc ici, vu que toutes les aides ont été supprimées, on est passé à la vitesse supérieure. Enfin, j'espère que c'est une vitesse supérieure. Pour tenter de les aider. Donc il y a une pétition qui a circulé en ligne, pétition papier, et un dossier qui va être transmis à l'avocat qui constitue le dossier pour les recours en justice, et également au monde politique. Et on espère qu'avec, arrêtez-moi si je me trompe, près de 2700 signatures sur notre petite commune qui est peu peuplé, c'est quand même déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il y a 2700 personnes qui demandent qu'on n'expulse pas la famille, quoi. Voilà donc la pétition. Elle décrit la situation familiale et les conditions de vie de la famille. Demande qu'on les soutienne dans leur démarche pour pouvoir avoir le droit de vivre ici. Définitivement comme des citoyens, parce que ce sont des citoyens comme les autres, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire, en tout cas c'est ce qu'on pense. Également, pendant une période transitoire, leur apporter une aide financière, matérielle ou autre, puisqu'ils n'avaient plus droit à rien du tout. Et les enfants doivent manger tous les jours, eux aussi, et voilà. Maintenant, ce ne sont pas des mendiants. Ce sont des personnes qui veulent se débrouiller, mais elles ont besoin d'aide, quoi. Voilà. C'est dingue, ça. C'est-à-dire qu'on on a coupé les moyens de subsistance de monsieur et madame, quoi. C'est ça ? Oui, donc en fait, la famille de Zazamia, comme on le disait, est déjà sur la commune depuis de nombreuses années. Ils sont arrivés de Géorgie, ils viennent d'une province qui a été annexée par la Russie. Donc, juste avant le mondial, la famille Zazamia apprend que finalement, voilà, elle a reçu l'ordre de quitter le territoire. Ils sont arrivés ici avec deux enfants. Le troisième est né ici en Belgique, le petit Gabriel, qui a 7 ans, qui a une maladie donc assez grave et qui a besoin de traitement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de démarches. C'est très compliqué, en fait, toutes ces démarches. C'est vraiment le parcours du combattant pour les personnes qui essayent de régulariser leur situation ici. Quand on voit l'ensemble des documents présentés par l'avocat, c'est une grosse brique avec chaque fois tout un tas d'argumentations juridiques, un va-et-vient entre l'Office des étrangers, l'avocat. Et donc, dans tous ces allers-retours, c'est toujours essayer de trouver la faille. La faille dans le système, on dirait une espèce de grande partie d'échec avec plusieurs coups à l'avance, mais c'est chaque fois des recours et puis ça prend des années, etc. Donc la première fois quand la famille Zazamia s'est fait débouter, c'était parce que en fait dans la procédure, il manquait un papier et à cause de ça, ils ont eu un refus d'accès au territoire et toutes les démarches, en fait le fond, c'est-à-dire la demande de régularisation 9 terres qui puisse rester en Belgique pour l'état de santé de leur enfant n'a jamais été considéré, étant donné qu'on mettait en avant le fait qu'il y avait eu une erreur de procédure, qui manquait un document dans les premières démarches. Tout ça, ça a mis des années pour arriver à régulariser cette situation et dire « Ok, ça y est, maintenant ils peuvent rester ». Donc ce qui est assez dramatique dans la situation de la famille Zazamia, c'est qu'après des années, quand enfin ils ont reçu le droit de rester vraiment en Belgique, ils ont eu ce qu'on appelle la carte orange, la carte d'immatriculation orange. Donc tout contents, ils se sont alors, ils étaient inscrits à la commune, ils avaient les documents belges, ils font tout le parcours légal, notamment tous les différents cours de français, les cours d'intégration, etc. au CRIV de Verviers. Ils quittent le logement de fait d'asile, ils trouvent une petite maison ici dans le village de Roumet, juste à côté. Ils s'installent, ils repeignent la maison, ils mettent des fleurs dans le jardin, etc. Et un mois plus tard, début juin, on leur dit « il faut vous présenter, vous avez un ordre de quitter le territoire en dehors les 30 jours ». Le jour suivant, ils perdent tous leurs droits. Donc il n'y a même plus l'aide qu'ils pouvaient recevoir, en fait ils ne reçoivent même plus rien du tout. Hormis l'aide médicale urgente, qui est une obligation, on va dire, au niveau de la déclaration des droits de l'homme. Donc, mais autrement, ils perdent tous leurs droits et ils se retrouvent dans l'illégalité. D'où, évidemment, à ce moment-là, les différentes démarches, comme disait Pierre, ça a été naturel pour les citoyens, le mouvement citoyen de la région, de dire « mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible ». Ils sont ici depuis si longtemps, on leur fait miroiter qu'ils vont pouvoir rester, ils reçoivent leur carte orange, tout se passe super bien, tout le monde est content. Et paf, on leur donne l'ordre de quitter le territoire en dehors les 30 jours et le jour suivant, ils n'ont même plus droit à rien du tout. Mais comment c'est possible ça, ce paf? Comment c'est possible ça? Je vous disais, c'est une espèce de partie d'échec où, on va dire, les intervenants préparent leur coup à l'avance. Et donc, quelque part, au niveau de l'Office des étrangers, il y a à ce moment-là le médecin qui vient dire qu'on trouve des soins similaires dans le pays d'origine. Et donc, dans ce cas-là, la famille ne peut pas rester ici pour raison invoquée, c'est-à-dire raison médicale, les démarches 9 terres. Je comprends rien là de ce que tu viens de me dire. Moi, je voulais poser la question, comment ça se fait qu'un paf comme ça tombe, ça y est, du jour au lendemain, monsieur et madame Zazamia doivent quitter le pays, voilà. Mais moi, je n'ai pas la réponse, mais je sais que ce n'est pas un coup d'essai et que c'est une machine, je ne vais pas dire bien où il est, mais en tout cas, qui a déjà fait ses preuves, puisque Cara m'a déjà expliqué qu'il avait des connaissances, je pense, géorgiennes aussi, une famille géorgienne aussi, qui habitait ailleurs en Belgique, et qui a été victime de la même procédure. Oui, tu peux encore expliquer ça, Cara, avec la carte d'identification. Oui, c'est son famille, ses trois amis, situé, c'est même chose, son famille, pas de problème santé. Pour notre famille, c'est plus problème santé pour petit Gabriel. Quand Gabriel est né, lui opéré. Donc ça, c'est votre enfant, hein? Oui, oui, notre enfant, notre garçon, c'est petit Gabriel. Déjà, lui, 7 ans. Tout le temps, toutes les semaines, une fois par 12 semaines, lui parti à l'hôpital, rendez-vous, quelquefois hospitalisé pour examen. C'est problème santé, Gabriel. Mon avis, notre vivre pour les enfants. Nous trop stressés. Est-ce que monsieur a bien compris ta question? Oui, mais je parlais. On parlait d'un santé. Gabriel, je sais. Il va parler aussi. Il disait différent. En fait, il disait c'est différent de la situation dont il m'a parlé. Santé, oui. Donc avec la carte orange, on dit d'immatriculation, d'identification. Donc il y avait une situation similaire. Donc Cara m'a parlé, mais ici, bon, Cara explique que c'est différent pour leur famille quand même, parce qu'il y a un problème de santé pour Gabriel. Ouais. C'est plus notre problème, c'est la santé. Louis a gagné maintenant déjà quelques semaines, c'est positif. Office étranger dit d'accord, donner 4 jours pour... avec permis de travail, avec... Qui, là, pour qui? Notre ami, c'est autre famille. Ah, ouais, pour l'autre famille. Oui. Donc, eux, ils ont leurs papiers. Oui. Comment ça se fait, ça? Lui, son famille... Ah oui, lui, il n'a pas de famille. C'est une connaissance que tu connais, oui. Qui n'a pas de famille. Il est tout seul, c'est ça? Non, avec famille, avec les enfants aussi, c'est ensemble. Ah, voilà. C'est encore, c'est pas de, en précédent, c'est encore, notre avocat dit, 12 jours passés, c'est mardi, encore autre famille aussi, avec les enfants, ça aussi, gagner ses 4 séjours. Gagner sa carte de séjour. Oui, c'est quand gagner, j'ai dit gagner parce que c'est... Ben oui, non, mais je comprends. Parce que c'est comme bingo, madame. Mais évidemment, je comprends. Parce que c'est pour notre question négative, pas d'accord, c'est pas première fois. C'est déjà, c'est cinquième fois, quitter territoire, tout le temps. Pour nous, ça comme bingo, nous attendre tout le temps. Si nous... pour notre famille, dit d'accord, office étranger. Moi, avec ma femme, dit oh, nous gagnons, c'est bingo. C'est que c'est ça. Mais en attendant, vous n'avez pas de papier. Vous êtes bloqué dans une situation pour le travail, pour les droits, parce pour que, tout ça, j'imagine, non? Parce que sans carte séjour, c'est interdit travail. Interdit tout. Interdit, permis de travail aussi, ça. Oui. Nous, tout le temps, demander forum, c'est autre organisation, c'est, s'il vous plaît, nous, pas besoin et des matériels, nous, besoin de permis de travail, si possible. Tout le temps, dit non, interdit. Tout le temps, c'est office étranger, fait d'asile, dit non, interdit. C'est ça. Par rapport à leur possibilité de travail, je veux ajouter que Cara, il est électricien spécialisé en haute tension. Et Anna travaillait dans le domaine médical en oncologie, c'est ça. Oncorhumatologie. Voilà, oncorhumatologie. Donc je ne connais pas l'équivalence des diplômes entre la Géorgie et la Belgique, mais ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui ont des compétences et qui pourraient trouver leur place dans le monde du travail également chez nous. Quoi. Évidemment. Comment on fait pour vivre dans cette situation comme la vôtre, quoi? Parce que nous, ici, on est tranquille, on a nos papiers. C'est vrai, quoi. On n'a pas du tout la même... on n'est pas du tout à égalité pour ça. Avant, c'est... comme première, deuxième fois, comme deuxième fois dit office étranger nouveau, quitter territoire, retourner à origine, j'ai demandé à tribunal de travail et mon avocat aussi. J'ai dit, si vous trouvez contre notre famille un problème à territoire belge, je suis d'accord, notre famille tout de suite quitter territoire belge, pas de problème. Notre famille, normalement, tout le temps ici, pour nous aussi gentil, notre famille aussi gentil pour autres pourcents. Rien de problème ici. Tous les pourcents disent pour nous, pourquoi toutes les personnes demandent des cas, pourquoi c'est ce, déjà 5 ans, pourquoi après 6 ans, 7 ans, c'est toutes les années. Mais vous en avez pas marre. J'ai dit attendre, moi aussi dit attendre, mon ami, attendre, parce que nous aussi attendre. Nous aussi maintenant, nous attendre réponse 9 bis. Plus une réponse Nefter aussi, parce que notre avocat fait recours Nefter, c'est pour un problème médical, à Nefpis, c'est régularisation humanitaire. Oui, ça c'est de la paperasse, des règles. Mais quoi, vous n'en avez pas marre? Vous n'êtes pas fâché, vous n'avez pas de la colère? Non, jamais fâché, parce que c'est procédure comme ça. Nous gardons, c'est la vie, parce que nous pas seuls comme ça, famille, beaucoup comme nous, famille. Mais justement, on pourrait, enfin, je ne sais pas, à un moment donné. Nous, tout le temps, notre famille, moi avec ma femme, on a un petit peu discuté tête à tête, nous pas fâché, parce que. C'est vrai, c'est la vérité, nous attendre, encore, si nous attendre 7 ans en plus, encore nous attendre réponse. Maintenant, le problème, les enfants, ils grandissent, oui, ils stressaient, avant ils n'ont pas compris toutes les situations, ils quittaient, pas quittaient, maintenant ils grandissent, 10 ans, nouveau, sa dernière fois, ça a envoyé au quitté territoire, Lazare, 3 semaines couché parce qu'on grandit plus caractère comme ça, pas parler beaucoup, et pas manger, arrêter manger, pleurer, ah plus ouais, Tamara, ouais. Il parlait et tout seul, discuter, et parce que oui, nous parlait tout seul avec moi. Marie, ça parlait, nous, les enfants sont les enfants. Oui, mais c'est une réaction normale, oui. Que les enfants, enfin voilà, oui. c'est peut-être vous êtes adulte, vous avez le recul, la patience, oui. Mais les enfants, voilà, ils vivent, c'est horrible. Oui, parce que nous vivons ici pour les enfants, parce que notre premier garçon, sa maladie, l'hémie, est décédé à Georgie, et nous venons ici pour les enfants. J'ai travaillé à l'hôpital Georgien, 17 années. 17 ans. 17 ans. Plus mon mari travaillait, ingénieur électricité. Ici, nous habitons pour les enfants. Et, je ne sais pas, moi, pas besoin de voir comment stresser. Parce que... c'est vrai, hein, ben, les enfants bien intégrés. Parce que première année maternelle, Lazare aussi parti ici, Tamara aussi, Gabriel est né ici. Pour Gabriel, lui, c'est rien, pour lui, ça choque, parce que quand j'ai dit Gabriel, nous parti normalement à origine, lui dit c'est où origine, parce que pour lui, origine, il a. C'est ici, l'origine, c'est ici. Oui, lui dit c'est quoi ça, c'est où, Georgien, parce que plus, lui... Mentalité aussi, Gabriel, comme belge, parce que tout le temps avec les enfants, avec amis, avec voisins, jouer, tout dit, lui ne comprend pas comment Georgienne mentalité. C'est ça, ça triste, ça trop triste. Hein. Nous encore attendre chance pour vivre à Belge, parce que... Chance, moi... c'est de la chance. Moi, je dis que c'est de la politique, la chance. Mais j'avais une question en disant, pour moi, en fait, il y a pas de, les gens sont libres. Alors, je sais que ça fait un peu naïf. Les gens sont libres, vous aussi, hein, cher Pierre et Eric, c'est ça. Hein, je sais que ça fait un peu naïf, mais les gens sont libres, pour moi, d'aller où ils veulent. S'ils veulent se poser dans un pays et travailler 1 an, 2 ans, ben, on leur donne les papiers. Ça doit poser aucun problème. C'est naïf, hein. Normalement, à l'origine, enfin voilà, on est libre, tu dis ? Moi, je vote pour toi, alors tu n'as plus qu'à te présenter, mais je pense qu'on est loin de la réalité. Oui, ben voilà, la question, c'est enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Donc, il y a une volonté quand même de derrière tout ça, quoi. Voilà. Ben, c'est probablement une politique protectionniste. Hein. On va pas déraper sur ces considérations-là. Mais pour revenir au Dazamia, je voudrais dire... Pas déraper, c'est une analyse de la situation. Oui, mais je laisse soit aux politiciens ou aux personnes qui connaissent ce sujet-là mieux que moi d'en débattre. Pour ce qui nous occupe, je voudrais quand même relever, car Ravia vient de l'expliquer, le caractère inhumain de prendre des enfants qui sont culturellement belges. Les deux plus grands de la famille ici sont des amis de ma fille. Ils se voient tous les jours à l'école et ils se voient pratiquement tous les week-ends. Et encore, ils vont l'un chez l'autre en vélo pendant la semaine. Donc, c'est des amis. Je me vois mal expliquer Enfin, je pourrais toujours l'expliquer, mais à ma fille de 10 ans, pourquoi les amis qui habitent à un kilomètre, on les renvoie à plusieurs milliers de kilomètres sous prétexte que leurs parents ne sont pas d'origine belge, quoi. C'est complètement... voilà. C'est des belles valeurs à défendre, hein, ça. C'est... moi, je suis désolé quand je revois des documentaires sur des gens qui ont été déportés par train, tout le monde sait de quoi je parle, enfants compris, pour être envoyés. Évidemment, là, c'était envoyé à la mort, c'est-à-dire encore différent, mais ici, envoyés, déracinés de toute manière, bien, c'est un acte inhumain de toute façon, ça c'est certain. On n'assassine pas les enfants, hein, il faut laisser les choses à leur place. Quand tu dis on n'assassine pas les enfants aujourd'hui, maintenant, en Belgique? Non, je veux dire en les renvoyant dans leur pays. On les assassine dans le pays. Peut-être symboliquement. Dans le pays. Peut-être symboliquement. Culturellement, certainement. Mais en les renvoyant dans leur pays d'origine, on les ampute de quelque chose, ça c'est clair. Ouais. Pierre. Mais je pense que ce qui explique aussi le succès de la campagne de pétition qui a été menée, quand même en un mois et demi, 2700 signatures, c'est justement le fait que tout le monde a été choqué par cette décision qui est tombée comme ça, comme un couperet, du jour au lendemain. On s'était réjoui un mois plus tôt en disant « chouette, ça y est, maintenant la famille Zazamia a enfin reçu des papiers, c'est un pas ». Vers leur régularisation. Leur liberté, nous osons le dire. Et qu'ils puissent vraiment rester légalement en Belgique. Donc, chouette, c'est un pas en avant, ils ont leurs documents, etc. Et puis, un mois plus tard, boum, tout le monde a été choqué. Et c'est ce qui explique que les gens se sont dit « mais enfin, c'est quoi ça ? C'est pas possible, comment ça se fait que si ça se trouve alors à la rentrée scolaire, les petits ils seront plus là alors. Parce qu'en fait c'est l'ordre de quitter le territoire en déant les 30 jours. Donc présentez-vous maintenant, vous venez dans un centre fait d'asile et là on vous remet sur l'avion et vous êtes reparti. Tout le monde a trouvé ça choquant et on s'est dit mais non c'est injuste, c'est quoi cette histoire ? Donc ici, les gens, ce qu'ils souhaitent, c'est que une fois pour toutes, qu'on arrête toutes ces démarches et que la famille Zazamia reçoive la régularisation, leurs papiers, qu'ils puissent être ici en Belgique. Ils ne veulent pas dépendre de l'aide sociale, ils veulent travailler quelque part, qu'on leur fiche la paix et qu'on leur donne les papiers pour qu'ils puissent être ici tranquillement et qu'on arrête de stresser la famille comme ça avec le poids que c'est pour les parents comme pour les enfants. Et quoi, ça on a bien compris, parce que ça fait la deuxième fois que tu le dis, mais c'est bien de te répéter, hein, comme ça on comprend bien la situation. Mais qu'en est-il aujourd'hui, là, maintenant? Parce qu'ils devaient partir, ils avaient 30 jours pour le faire, ça veut dire que maintenant, on peut venir les chercher chez eux? Il y a des nouvelles. Il y a deux jours, on était au tribunal à Verviers. L'avocat a introduit un recours contre la décision. La décision, je rappelle, c'est le 9 terre. Donc c'est la décision pour pouvoir rester en Belgique pour raisons médicales. Donc l'Office des étrangers avait rejeté en disant qu'il y a des soins équivalents, ce qui n'est pas vrai, en Géorgie. Et mais cette demande, en fait, ce recours, eh bien, ça va prendre un an et demi à deux ans avant de pouvoir être rejugé. En attendant, ça veut dire que la famille n'avait plus droit à rien, étant donné que ce recours n'est pas considéré comme suspensif, c'est-à-dire qu'ils perdent leurs droits et ils ne récupèrent pas leurs droits du fait d'avoir introduit un recours. Et ça, c'est encore une particularité au niveau de la Belgique, parce qu'en fait, au niveau européen, il y a une jurisprudence qui permet à ce moment-là que quand un recours est introduit, eh bien, le recours est suspensif, et c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de nouveau des droits en Belgique. Et alors, c'est la décision il y a deux jours au tribunal, c'est bien sur base de cette jurisprudence dite Abdiba, la jurisprudence Abdiba, que finalement, eh bien, la famille Zazamia va pouvoir récupérer une aide sociale en attendant. Et alors, en parallèle, plutôt que d'attendre le 9 terre, donc la demande pour régularisation médicale, va être introduite une demande pour régularisation humanitaire qui, elle, est la demande 9 bis et qui, elle, devrait être beaucoup plus rapide. Donc là, c'est une question de quelques mois. On espère que ça va marcher, mais tu t'imagines bien que les 9 bis sont remises au compte-gouttes Et donc souvent elles sont refusées. Et c'est aussi chaque fois un sacrifice pour la famille, étant donné que c'est chaque fois 350 euros qu'il faut payer par adulte. Donc là, la famille paye 700 euros pour pouvoir introduire la demande et que la demande sera peut-être acceptée et peut-être pas. Donc, comment vous faites la famille pour payer 700 euros alors que vous avez... Alors là, la question, c'est... Moi, je suis dans le concret. Comment nous payer 700 euros? Ouais. Nous payer comme ça, nous aider tous les pourcents, 5 euros, 10 euros, 15 euros, comme ça, ramasser aux gens, nous payer... Les gens qui vous aident? Oui, notre ami, tous les voisins, parce que j'ai dit tout de suite, besoin de 700 euros pour envoyer une office, c'est obligé... Et, payer sur le compte office étranger, tout de suite, c'est pas longtemps, hein, un jour, deux jours, notre réseau, solidarité, oui, ça existe, quoi, même dans le village. Trop solidarité, c'est c'est très gentil, tous les pourcents, qui fait ça. Plus pour vivre aussi, tous les pourcents, donner nos argent avec enveloppe, qui, comment, 10 euros, 15, 25 euros, qui, comment. Bien, ça fait plaisir, oui, d'entendre en Belgique, il y a des gens qui s'entraident, quoi. Région, c'est fantastique, hein. Parce que tous les pourcents, nous, pour notre famille, c'est comme ça, très gentil. Hein. Les pourcents, j'adore, à la place des dollars. Les pourcents, les dollars. Et comme on a dit aussi, je pense que la majorité des... La totalité des personnes qui connaissent la famille n'ont aucun souci à les aider, matériellement, financièrement ou de toute manière, parce qu'ils sont appréciés, parce qu'eux... ont une générosité aussi, le peu qu'ils ont, ils le partagent. Moi, quand je viens ici, j'ai peur de grossir chaque fois avec Anna qui fait à manger. Hein. Voilà, donc c'est une solidarité qui est liée directement à leur personnalité, quoi. Pourquoi tu dis « eux » comme ça? Parce que « eux » sont généreux, oui. Ils sont là parce qu'ils sont devant moi, parce qu'on sait de qui on parle, puisqu'on fait une émission radio consacrée à eux. Ouais, mais ça donnait l'impression, enfin soit. Pierre. Éric. Oh, Pierre, c'est lui. Lui, excuse-moi. J'ai un souci vraiment, mais bon, à la fin, je vais arrêter de le faire remarquer. Éric, toi, comment ça se fait que tout ça, ça se passe comme ça en Belgique? Parce qu'on a essayé d'un peu entendre Pierre là-dessus. Toi, quelle vision tu as à nous faire partager? Pourquoi ça se passe, ça? Pourquoi il y a des gens comme ça qu'on ennuie Mais en fait, à mon sens, on est dans une situation mondiale assez compliquée, catastrophique dans beaucoup d'endroits de la planète. Donc, que ce soit avec le changement climatique, avec différents régimes politiques, avec des politiques interventionnistes pour aller à chasser les ressources naturelles là où elles se trouvent. Donc finalement des guerres dans plein d'endroits de la planète. Et donc on se retrouve avec des millions de personnes qui doivent fuir des situations absolument catastrophiques et qui pour survivre tout simplement. Survivre à la sécheresse, survivre à la misère, survivre à la guerre, à la destruction de leur endroit de vie. Et donc ces personnes se retrouvent, on va dire, sur les routes en essayant de trouver un endroit, un havre de paix quelque part où elles puissent se poser. Et donc et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une quantité importante de millions de personnes aujourd'hui qui se voient dans l'obligation de quitter leur endroit de vie. Ces personnes, si elles avaient pu, elles seraient restées chez elles, la plupart en tout cas. D'autres ont envie de voyager, mais je veux dire comme nous. Les Européens, on a été partout sur toute la planète sans visa, sans papier, sans rien, donc sans jamais demander l'autorisation. Et aujourd'hui, les gens, y a des gens qui sont choqués en disant « Ouais, mais c'est quoi tous ces étrangers qui viennent ?» alors que nous, on a toujours été partout et on s'en étonne. Qui viennent en Belgique, tu veux dire ? Qui viennent en Europe en général, enfin en Europe, mais c'est pas seulement. Hein. Aujourd'hui, on assiste aussi à les gens qui fuient leur région, c'est pas seulement en Europe, ils fuient où ils peuvent. Donc il y en a qui fuient en Australie, aux États-Unis, même l'Amérique du Sud. Il y a plein de Sud-Américains qui vont aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup d'Africains et de personnes originaires des pays de l'Est qui, elles, viennent en Amérique du Sud aussi. Hein. Ouais, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse. Quand il y a crise dans un pays, guerre ou je sais pas moi, un climat qui est compliqué, il y a aussi une migration qui est d'aller dans le pays d'à côté, parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas forcément une immigration, vous voyez, où on paye, comme on parle des passeurs, où on prendrait l'avion pour aller carrément ailleurs. Il y a aussi une majorité, souvent on oublie. C'est vraiment une infinie, c'est pas beaucoup de personnes, en fait, qui vont vraiment en Europe, par exemple, comme on parle. C'est beaucoup de masse de gens qui se déplacent parce qu'ils n'ont pas les moyens dans le pays d'à côté, ou qui n'est pas en guerre, ou qui n'est pas en crise. Oui, bien sûr, hein, tout à fait. C'est d'abord les pays voisins où arrivent les réfugiés. Et alors, on oublie, le mot, c'est réfugiés. Et quand on regarde l'histoire, nous aussi, on a été réfugiés à un moment ou l'autre de l'histoire. On s'est retrouvé sur les routes, ou bien aussi quand il y a eu les vagues d'immigration, quand on regarde, il y avait eu la famine en Irlande, et puis tous les Irlandais qui sont partis pour aller aux États-Unis. Il y avait les problèmes économiques et également de famine en Italie, tous les Italiens qui sont partis, qui ont migré partout. Donc je veux dire, voilà, et puis aujourd'hui on viendrait s'en étonner alors que c'est un phénomène de l'histoire, et quelque part ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la planète, eh bien, il y a quand même aussi une responsabilité de nos pays également dans des situations de guerre aujourd'hui à différents endroits de la planète. Donc je pense que plutôt que de se dire « tiens, mais finalement on fait ou la chasse aux étrangers ou la chasse aux pauvres », alors que finalement, mais pourquoi ne pas regarder plutôt ce qui se passe sur la planète et quels sont les choix politiques qui sont pris de nos interventions dans différents pays. Et pourquoi ne pas alors consacrer, plutôt que de consacrer, tout ça c'est utopiste évidemment, sans doute, mais les utopies c'est ce qui nous fait rêver et avancer aussi, mais plutôt que de consacrer autant d'argent pour sauver des banques ou pour dépenser dans de l'armement militaire, pourquoi ne pas consacrer ça simplement au bien-être humain et au respect de la planète. Tu trouves que c'est utopiste, toi? Oui. Désolé, madame. On remarque peut-être histoire, notre histoire, c'est notre famille avant habite à région Abkhazie, c'est géorgienne. C'est déjà occupé Russie. 1993, guerre contre Russie, nous perdu ce territoire. Géorgienne perdu ce territoire occupation déjà maintenant. Notre village, tous les maisons cassées, nous perdu là-bas, tout. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, notre voisin, beaucoup de qui mourir là-bas. Nous quittons territoire en 1993. Après, notre statut, notre famille s'est réfugiée. Encore aussi, c'est comme ça. À la Géorgie, c'est 500 000 personnes réfugiées qui habitent avant la région Abkhazie, c'est la capitale de Soukhoumi. Parce que nous un petit peu réfléchi, comme normalement, comme normale famille, nous aussi chercher ou bien sécurité, ou bien liberté, ou bien démocratie. Normal, hein? C'est normal, c'est... Vous parlez bien français, hein? Non. Bravo, ouais, mais non, parce que moi je parle pas du tout géorgien. Hein. Excuse-moi. Non, mais c'est dingue. J'arrivais quand même à vous faire comprendre. J'ai étudié tous les jours, tout le temps. Aujourd'hui aussi, nous sommes partis à centre régional de Verviers pour intégration. Nous, c'est intégration. Normal. Oui, intégration. C'est nous étudier tout le temps, c'est normal. Nous trouver tout le temps, chercher, trouver tradition, votre tradition. tradition, cette tradition belge. Oui, mais gardez bien aussi vos traditions, oui, à vous. Hein. Parce que non, nous n'avons pas oublié notre origine. À nous plus chercher et trouver ici. Parce que c'est normal. Si nous, notre famille intégrée, ça obligé. Ah, le mot intégré, moi je n'aime pas. Ça, Pierre, tu voulais dire... ouais, c'est Pierre. Eric. Je sais plus, je proposais qu'on parle des idées qu'Eric a développées juste ici avant à Donald Trump, parce que je trouve que au niveau politique et international, c'était chouette. Moi, je vote pour toi, Eric. Voilà, c'était ça. Et ce qui serait intéressant, c'est, oui, on en a pas un peu l'état du monde, enfin vraiment brièvement, mais il y a aussi ici, on se trouve en Belgique. Comment vous vous sentez, vous, belge? Et fier de l'être. quel est votre regard là-dessus? En plus, il va y avoir des politiques communales bientôt. Vraiment, là, dans moins d'un mois. Après les politiques fédérales, les politiques européennes. Allons, c'est parti. Donc, il y a aussi ça. Comment vous voyez tout ça, quoi? Ben, ce que je trouve assez interpellant, ce qui se passe en Europe, c'est le retour vraiment en force de la droite et de l'extrême droite, donc et on est avec, ça se note évidemment dans les politiques qui sont appliquées, donc quand on voit, parce que beaucoup de Belges aussi parlent, oui, la France, ce qui se passe à côté, mais regardons ce qui se passe chez nous. Donc c'est quand même un gouvernement qui est une coalition. Je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis oui, mais la France, quoi? C'est parce qu'on regarde et on dit oui, vous voyez ce que Macri fait. Macri, c'est, on va dire, le fils des banques. Et maintenant. Macron, tu veux dire Macron, pardon, je dis Macri parce que. Macri, qu'est-ce que c'est que ça? Argentine. Ça donne, hein, pour qu'on comprenne. donc, Macri, c'est le président d'Argentine. Donc, j'étais en train de lire aussi des articles sur ce qui se passe là-bas en Argentine. Donc, la politique avec Macron. Donc Macron, c'est le fils des banques et quelque part, la politique qu'il applique maintenant est une politique qui favorise, une fois de plus, les gens qui ont déjà de l'argent, favorise les banques et finalement, c'est chaque fois les personnes qui sont le plus en difficulté qui se retrouvent encore pénalisées et ça se traduit par l'ensemble de projets de loi et par finalement, on autorise quelque part la grande fraude fiscale qui dépasse les centaines de milliards d'évasion fiscale. Et à côté de ça, on vient traquer les petits chômeurs qui vivent ensemble. On va voir s'il y a une mobilette garée devant, s'il y a une deuxième brosse à dents dans la salle de bain. Enfin, des trucs complètement fous. Et alors que finalement, il n'y a jamais eu autant de richesses produites sur la planète et il n'y a jamais eu autant de misère. Donc, il faut quand même se poser des questions. Donc, on est dans un système, à mon sens, qui en fait est en train de détruire la planète pour permettre l'enrichissement vraiment d'une infime minorité de l'humanité. Et c'est absolument scandaleux. Et en plus, les médias nous font croire que tout ça, c'est normal, c'est logique, et qu'il n'y a pas d'alternative à tout ça. Et Margaret Thatcher le disait en son temps. Donc, le fameux TINA, there is no alternative. Il faut, c'est comme ça, point, c'est tout. Et beaucoup de gens le croient, donc... Et donc en Belgique, pour revenir à la situation en Belgique, eh bien, je disais ça parce qu'effectivement j'entends beaucoup de personnes quand elles parlent de la France en disant t'as vu ce qui se passe là-bas, et moi je dis t'as vu ce qui se passe ici. Donc, moi ça me fait écho parce que souvent je parle de la France, parce que souvent en France, tu vois, il y a Pinson Charlot, est-ce que vous voyez c'est qui, ces sociologues qui ont écrit, je ne sais pas, ils ont plein de bouquins sur justement toute la fraude fiscale, non? Monsieur Monique Pinson, Michel Charlot. Et voilà, c'est des gens, tu vois, qui... J'ai l'impression, bon, la Belgique est petite, avec un grand cœur, c'est pas ça, hein, avec plein de choses super, mais en France, t'as aussi beaucoup plus de gens... non, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je pensais à Pinson Charlot, mais c'est parce qu'ils sont venus aussi en Belgique parler de leur travail. J'ai l'impression que... Ben comme c'est un plus grand pays, il y a plus de gens et donc il y a plus aussi peut-être de bagarres. Je veux dire, il y a Notre-Dame-des-Landes. Enfin, vous voyez, il y a plus de gens comme ça aussi à rencontrer pour se donner la main avec la Belgique, pour montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire autrement. Voilà, j'avais envie de faire ces petites parenthèses. Et puis aussi de rajouter qu'il y a une politique comme ça, européenne, c'est un peu partout la même chose, c'est-à-dire que c'est néolibéral, c'est la grosse machine qui avance, c'est du fric, tu vois, on abîme la nature. Enfin voilà, j'ai l'impression que France, Belgique, alors oui, il y a des petites particularités avec un Théo Franken NVA ici en Belgique, mais voilà. Oui, donc c'est ça, quand on voit, on est aussi une coalition de droite, extrême droite, finalement, au bout du compte, ici aussi. Ils se cachent, hein, non ? Oui, quelque part. Donc, ouvrons les yeux par rapport à ça aussi. Et ce qu'on on voit que on dit souvent, oui, la Belgique est un pays où l'imposition est énorme. Et donc, mais quand on voit le nombre de fortunes françaises qui viennent se domicilier en Belgique, ils viennent pas pour le climat belge, hein. Donc s'ils viennent ici, c'est justement parce qu'ils vont payer beaucoup moins. La Belgique est un paradis fiscal pour les grandes fortunes. Donc, et ça, c'est clair, il y a quelques chiffres qui le démontrent. On voyait un coup, on avait analysé un gars comme Mitt Romney, l'ancien candidat aux élections présidentielles aux États-Unis, grosse fortune aux États-Unis. Eh bien, aux États-Unis, ils payent l'équivalent de 24 millions d'euros, enfin en dollars, mais en équivalent, donc 24 millions d'euros d'impôts. Et donc, parce qu'il est taxé sur l'ensemble de ses revenus. Or, s'il se fait domicilier en Belgique, eh bien, il paierait un dixième. Donc, et c'est parce que, en fait, le système de taxation ici, c'est le travail qui est taxé. Mais tout ce qui est spéculatif, tout ce qui est mobilier, immobilier, n'est pratiquement pas taxé. Et donc, et c'est ça qui fait la différence. Une petite réaction sur tout ça, cette politique belge, comment tu te situes, toi, là-dedans comment tu vois quelque chose à dire? Non, moi, je suis terre à terre. J'ai pas beaucoup de connaissances dans le milieu de la politique. Intuitivement, j'ai mes convictions, évidemment, mais... T'as peur de les dire ? Non, j'ai pas peur de les dire. Je pense qu'elles ne sont pas suffisamment affûtées que pour être pertinentes, parce que... Il y a les grandes idées, je partage celles d'Éric. Quand on fait dans le sociopolitique, ça devient très complexe. Chacun son rayon, un petit peu aussi. Non. Je trouve que c'est facile pour quelqu'un qui ne connaît rien de critiquer, d'avoir des avis. Moi, je suis pas suffisamment éclairé en politique que pour pouvoir dire si je sais dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je sais, ce serait malheureux à 50 ans de pas savoir où est la gauche, où est la droite. Évidemment. Bon, ici. Primo, on n'est pas, même si c'est la toile de fond de la situation de la famille d'Adzamien, on n'est pas dans un débat politique, une tribune ouverte sur la politique intérieure de la Belgique, déjà, je pense. On n'est pas. Moi, c'est pas ce qui m'a amené ici. Ici, là, maintenant. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, on peut... Bah, c'est quand même la famille... Attends, je te coupe, oui. Hein, et après, tu reprends, parce que sinon... Parce que tu as l'air de dire, ouais, autrement dit, tu as l'air de dire la question qu'elle pose, la Grazella avec son micro, de dire, tiens, il est occupé à demander un petit peu, tiens, comment tu te situes politiquement ici en Belgique bah, écoute, l'affaire de la famille Drazamia, c'est pas du hasard si ça se passe, quoi. C'est reprise dans un contexte économique, politique, social, tu peux pas y échapper. Maintenant que t'es pas envie de faire de politique, pourquoi pas? Mais moi, j'ai envie de dire à ceux qui disent ça, tu sais, ce que tu manges, comment tu t'habilles, comment tu bouges, c'est de la politique. Après, t'es pas obligé de donner... si t'as pas envie de parler, tu parles pas, hein, y a pas de souci. Et si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. On est bien d'accord. Je la connais, celle-là. D'abord, je ne me dis pas la Gradiella. De toute façon, tu ne connaissais pas mon prénom, alors. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Et moi, je trouve ça super intéressant d'ouvrir la tribune, comme tu dis, à des gens qui vivent plutôt les situations. Tu sais, je ne vais pas aller dans cette direction, mais je trouve ça intéressant. Des gens, tu vois, tu as les gens qui décident des politiques... T'as les gens qui sont dans les médias occupés à parler de nouvelles règles, de nouveaux décrets, de nouvelles manières de concevoir le monde. Et puis t'as les gens qui vivent la réalité. Et ça, c'est la famille ici qui est ici, tu vois. Eh bien, évidemment qu'il faut leur demander leur avis, comment ils voient les choses, comment ils vivent les choses. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'être, pour moi, un expert à la con ou un spécialiste pour... Enfin, je dis expert à la con parce qu'on entend expert à tout bout de... expert en, en machine à laver, expert en voiture, en communication, expert... Enfin, tu vois, ne soyons pas experts, justement, et écoutons ce que les gens ont à dire. Moi, je trouve ça super intéressant, cette tribune ouverte... Ou sinon, on ne dit plus rien. Et puis, ça arrange bien le politique de « nous sommes experts, nous avons l'expérience, nous avons... » Tu vois ce que je veux dire ? Et le reste de la populace n'y connaît rien. De toute façon, on ne connaît pas, tu vois ? Voilà, j'avais envie de dire ça. Ben, félicitations. Et sinon, ça va mieux maintenant, alors ? Moi, ça a toujours été bien, là. J'ai galéré pour trouver un peu mon chemin, mais ça va. Oui, ben, je suis d'accord dans les grandes lignes. Maintenant... Voilà, de façon plus pragmatique, quand on ne connaît pas un sujet, il faut savoir aussi faire profil bas. Hein. Alors maintenant... Ok, tu fais profil bas. Genre. Non, je ne fais pas. J'ai un profil bas ici. Des avis, on en a tous. Maintenant, je ne peux pas développer des considérations politiques comme Eric vient de le faire, puisque c'est moins mon rayon que lui. Voilà. Ok. Comment c'est votre prénom ? Kara. Kara. Ça va être la fin. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui vont entendre ? Peut-être réfléchir à... Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Et toi, ton prénom ? Anne. Anne et Kara. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui vont entendre, qui vont vous entendre ? Quel message vous aurez envie de leur dire ? Notre... Je crois, mon avis, c'est notre... Notre ensemble dernière phrase, c'est comme ça, nous attendre positive réponse. Encore nous prier, office étranger, s'il vous plaît, bien lire notre dossier, notre histoire, s'il vous plaît, aider pour notre question, nous attendre positive. Parce que c'est longtemps nous attendre, tout le temps. Et si c'est pas positif, la fille, tu vois, et si c'est pas positif, si... tu seras toujours calme, patient. Moi, je serai énervé. Hein, mais... Madame, notre famille, encore nous, nouveau histoire, nouveau, encore nous attendre. Nous pas laisser, nous pas arrêter. Normalement, pour retourne origine pour notre famille, c'est catastrophe. Pour les enfants, c'est cauchemar. Comme j'ai dit avant, notre vivre pour les enfants. J'ai dit fais tout pour les enfants. N'ose pas arrêter. C'est pas fini. C'est la vie. Tout le temps comme sur la guerre. Tout le temps sur... Sur la guerre. Sur la guerre. Oui. Je suis comme soldat. Ouais, mais ça donne pas... vraiment. C'est ça aussi, c'est vrai. Vous êtes un. Oui, encore. Parce que, mon avis, nous encore aider notre voisin, notre ami, beaucoup qui solidarité pour notre famille. Ça, super. Oui, mais moi, c'est ça que j'avais envie de souligner aussi, parce que dans le. Dans le paysage, là, on n'arrête pas de parler de choses négatives, machin. Mais il y a de la résistance, quoi. La solidarité. Oui, ma femme dit, c'est... Anne, qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, aux gens qui vont entendre ? Oui, mais je ne sais pas. J'ai réfléchi, j'ai trop optimiste. Si on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. Toi, comme optimiste. Besoin. Besoin d'être optimiste. Oui. Pour les enfants, oui, parce que tous les jours, Lazare dit ça, maman, pourquoi on questionne ? Pourquoi notre famille ? Pourquoi ? Et tu lui dis quoi ? J'ai dit ça, procédure comme ça. Il, ça attendre. Oui, attendre. Besoin d'attendre combien, maman ? Il n'a pas compris pourquoi notre famille ? Mais tu lui expliques quoi ? Attaque, oui. Pourquoi attaquer notre famille ? J'ai dit c'est pas grave, j'ai pas disputer beaucoup avec les enfants parce que pas besoin de stresser les enfants. Mmh. Et j'ai correctement dit ça. Plus, cette région, pas beaucoup d'étrangers, familles étrangères. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Non. Notre école, c'est notre famille, c'est seule notre famille, c'est étranger. Parce que notre les enfants, pas de connaître autre étranger, notre les enfants. Pas de contacter, c'est parce que tout le temps, toutes les questions pour nous, c'est pourquoi papa, pourquoi maman. Parce que lui, il ne comprend pas. Ouais, il a envie de comprendre, ce qui est normal. C'est une réaction saine, quoi. Eric, mot de la fin ? Bon, c'est bien de laisser le mot de la fin à Cara et Anna, me semble-t-il. Voilà, en tout cas, nous, on a tous l'espoir et on veut vraiment que le plus vite possible, la situation de la famille Zazamien soit régularisée et qu'ils puissent enfin être tranquilles ici dans notre commune et pouvoir justement ne plus dépendre de l'aide sociale parce qu'ils n'en ont pas envie, mais aujourd'hui c'est une nécessité et ils demandent qu'une chose, c'est de pouvoir exercer également leur métier. Donc qu'on leur donne une fois pour toutes la possibilité de pouvoir rester ici en Belgique. Voilà. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une pétition encore en ligne qu'on peut signer, on peut aider à signer ou... La pétition a circulé, on a fini la pétition à la fin du mois d'août, étant donné que les 2700 signatures sont mises dans le dossier de demande 9 bis que l'avocat présente à l'Office des étrangers. Bon, ben merci à vous, tous. Merci vous aussi, madame.